La petite fille dans mon comic strip vient faire des bulles, vient faire des... Des... Clip, crack, des... Bang, des... Bang, et des... Zip, shibam. Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, ça fait, et ça fait... Stop. Ou bien... Bonsoir, bonsoir les psys moiteurs. Bonsoir Lou, comment vas-tu? Moi très bien, heureuse de vous retrouver. Eh oui, on se retrouve pour cette deuxième émission de Moiteurs et Tremblements, qu'on retrouve tous les premiers lundis du mois, de 22h environ. On laisse Rive d'Enfer se terminer aussi. Et puis voilà, comme tu dis, on s'installe tranquillement, on prend possession des lieux, du matériel, et puis on lance Serge Gainsbourg, et on est à vous, effectivement. On n'entend pas. Ça, je pense que c'était une volonté de ta part. Tu cherches à me museler comme ça dès la deuxième émission, c'est un peu trop tôt, je trouve. C'est trop tôt. Non, ne t'inquiète pas, surtout, j'ai besoin de toi, parce qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, et je ne saurais pas parler de tout ce qu'on va parler tout seul. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'ai Lou à mes côtés. Là, maintenant, les auditeurs peuvent t'entendre. Ah, donc, en tout je cas, peux parler. C'est qu'on a des auditeurs attentifs qui nous écoutent et qui ont envie de t'entendre. Donc, sinon, ils ne me l'auraient pas dit. Alors, au programme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? Donc, comme alors, vous le savez. C'est ça, on ne va pas être très original. On est le lundi 4 septembre, quand même. C'est la rentrée pour beaucoup de monde. Donc vendredi pour les Belges, lundi pour nos petites têtes blondes, et forcément nous la rentrée ça nous a un peu inspiré. Alors ça nous a inspiré, mais quand on se dit tiens mais vous pourrez parler sexe, le sexe de la rentrée, mais on s'est d'abord dit on va peut-être avant parler de l'été. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? J'espère en tout cas que vous avez pu avoir un été assez hot. Chaud. Et que la rentrée sera tout de même épanouissante et que vous ne tomberez pas dans une routine et vous abandonnerez ce que vous avez découvert cet été. Donc on va être là pour vous aider peut-être, pour réfléchir avec vous comment garder un petit peu ce côté plus, comment on pourrait le dire, plus osé de l'été, plus affranchi, plus libre de l'été. Et voilà, ça nous a inspiré à ce niveau-là, puis aussi parce que la première émission, si vous l'avez bien suivi, on a été très soft, on parlait de la rencontre, on parlait voilà, de tout ce qui se passait entre les hommes et les femmes. Là, on va parler quand même un peu plus sérieusement après la rencontre de sexualité. Et donc effectivement, en début d'émission, on parlera de l'été, des pratiques, de ce qui change. Des choses à pas faire, des choses à faire. Pourquoi est-ce que l'été est synonyme souvent de sexualité aussi? Et pourquoi la rentrée de routine, de retour à la routine et de frustration et là, souvenir pour certains, de cet été hot? Ouais. Ah, septembre et ça y est, on recommence. La grisaille, le travail. Comment éviter tout ça? Comment se remémorer et prolonger les chaleurs de l'été? Et puis voilà, certaines pratiques, on parlera de cunnilingus et de fellation aujourd'hui. Oui, je pense qu'on va essayer de finir l'émission sur ce petit thème-là, parce que je pense qu'il y a gros débat sur ces pratiques nécessaires. Donc on parlera histoire, sociologie, hein, très important, toujours scientifique, un peu, quand même, on va pas être que frivole. Biologie, non, mais on va pas trop s'attarder sur la culture, c'est important d'en avoir, hein, même quand on pratique. D'ailleurs, on vous donnera une information étonnante sur les pratiques sexuelles et la culture notamment. Et puis on rentrera un petit peu dans le technique, voilà, bien sûr. Hein. On vous attend sur notre page Facebook. Réagissez. Moiteurs et tremblements, laissez-nous des messages, réagissez, donnez-nous vos expériences, posez-nous des questions et puis on fera le maximum pour y répondre. Et surtout, ben voilà, là pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance de cet été, on a cherché hein, une musique. Alors forcément, on n'a pas trouvé que du bon dans les musiques d'été, ça a été difficile, mais on s'est bien amusé à chercher, ça était clair. Mais on s'est dit, voilà, il faut qu'on replonge un petit peu nos auditeurs pour parler sexualité, on va prolonger un petit peu dans les musiques qui nous font bouger notre corps et rire. Donc une première musique, je te laisse l'annoncer. Merci du cadeau. Papi Chulo Tetrago El de Lorna. Voilà, ça c'est le titre de l'été qu'on a peut-être oublié, mais je pense que ça va... Je pense que tout le monde va raviver les souvenirs. Ouais. Bon, et on, comme tu disais, on allait relever un peu le niveau après sur la musique sensuelle. Et on aura Santana avec Maria, Maria. On se retrouve donc juste après ces deux titres. À tout de suite. Papi, papi, ven a mí, papi, papi, papi, chulo. streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. Ça, les vieux passent leur temps devant la télé, en plus devant les programmes les plus chiants de la Terre. Sérieusement. Mais c'est vrai que quand on est à la retraite, on a le temps de découvrir une nouvelle dimension, une sorte de monde parallèle, encore inconnu. La télé entre 10h et 18h. JMM, je me marre. Le matin, tu tombes sur les téléachats. Tu penses vraiment qu'en 2017, on peut croire qu'un découverte. Dans l'ambiance de sensualité, de douceur, ça vous a donné envie de bouger vos corps. C'était Santana. Ouais, c'est bon quand même. La bonne musique, ça aussi, c'est important pour la sexualité. Santana qui était un peu coupé par une publicité qui s'est ouverte. Je pensais que tu nous avais fait un petit mix exprès, que tu voulais nous faire passer un message, j'aurais comme pu. Quoi. J'aurais pu. Ouais. Mais voilà, c'est, on travaille avec les outils aujourd'hui. Et on est... Digimix. il faut réussir à mixer en même temps, oui. Donc voilà, on vous disait qu'on était dans Moiteur et Tremblement et qu'on allait, si vous nous rejoignez, parler d'un été qui pouvait être hot. Qu'on vous a souhaité. Chaud. Et d'une rentrée qu'on voulait encore. Sexe. Alors, peut-être on va commencer par l'été. Pourquoi ? Alors, c'est vrai que l'été, il y a la chaleur, il y a les jupes qui se raccourcissent, il y a les corps qui se dévoilent, il y a la musique qu'on vient de vous faire écouter qui, quand même, aide un tout petit peu à presque un préliminaire, j'ai envie de dire, une invitation tout du moins à des rencontres plus intimes. Donc, qu'est-ce qui fait, Dimitri, à ton avis, pour toi, pourquoi l'été est plus synonyme de sexualité ? Je vais te donner un peu mes hypothèses et puis tu vas me dire si tu valides ou pas. D'accord ? Quand on est en vacances, on a une location. Souvent. Eh ben, c'est pas ton lit. C'est pas ton lit habituel. C'est excitant. Bah, et puis tu peux l'abîmer. Aussi accessoirement. Ça arrive. Toi, dans ça, un c'est hôtel. Ton côté violent qui revient. Hein. C'est pas possible. Non, non, hein. Je suis lourd, c'est pour ça. Donc effectivement, c'est pas votre lit. C'est lit où beaucoup de gens sont passés, beaucoup de gens ont fait des choses, donc on se les imagine et on peut se dire tiens. Pourquoi pas moi ? Tiens, le fantasme, les autres. Eh oui. Un autre lieu. Moi, je suis d'accord qu'un autre lieu, quand même, ça aiguise l'appétit. Vous n'avez pas vraiment d'obligation en vacances ? Aussi. C'est pas le métro, boulot, dodo, des heures bien précises, la série qui commence à telle heure qui finit, on ne doit pas louper le journal, et puis après le journal c'est la météo pour savoir comment on s'habille le lendemain. Non, il fait toujours beau. Oui, en vacances, on n'a pas d'obligation comme ça, on lâche un peu prise donc Et puis on peut louper le repas et avoir... même si on est en pension complète, en demi-pension, on peut louper un repas. Et aller encore mieux. On se nourrit d'amour. On rêve un peu. On peut même se faire livrer dans la chambre. Avant. Groom et service. Après. Allez. On en abuse. Et comme c'est pas tes dragues, c'est pas toi qui nettoie, tu t'en fous, tu bouffoules. Et tu refais l'amour après. Mais oui. Ah oui. Et puis on peut commander aussi au niveau nourriture des choses particulières qui peuvent nous aider dans notre imagination. On peut se dire aussi que pendant les vacances, qu'on soit en hôtel, en location... Moins dans un bungalow parce que les bruits résonnent fort. Oui, mais les voisins, on ne les connaît pas. C'est vrai. Et on ne les reverra pas. Ça aide aussi. Ça décomplexe. À moi, on peut voir, des fois, je suis en vacances et je tombe sur mon patron. Là, c'est un petit peu... Là, il y a de quoi vraiment refroidir l'été. À moins que ton patron soit vraiment une bête de sexe. soit ouvert et puis pourquoi pas de nouvelles c'est aventures. C'est l'occasion d'une promotion. D'une promotion, c'est une bon idée, côté. Oui. Oui. Faut pas le vexer non plus. Alors à ce moment-là aussi, hein, la simulation c'est important si on veut tester des choses avec. Donc voilà, après on se lâche un peu, on boit quelques verres, hein, et donc. Qui dit vacances dit petit apéro. Alors. Petit rosé. Pas trop quand même. Non. Parce qu'après ça donne chaud, ça déshydrate et ça peut faire perdre les performances sexuelles si on boit trop. Hein. Ah, c'est sûr que soleil, déshydratation, alcool, déshydratation, crampe pendant l'acte sexuel, dommage. Le room service, comme tu disais, c'est synonyme de on ne quitte pas la chambre. Le lit, souvent, il est mieux aussi. C'est-à-dire que les hôteliers, là, les gîtes, où est-ce qu'on peut se rendre, ils font attention à ce que la literie soit bonne. Et ça, donc souvent, c'est, la literie aussi. Voilà, il est mieux. Puis comme je te dis, on n'a pas peur de l'abîmer. On travaille pas le lendemain, on est en vacances, on se lâche. Il y a la salle de bain de l'hôtel et souvent, c'est pareil, elle est mieux que la tienne. Ah oui, la salle plus de spacieuse. Bain. Oui. Plus propice à essayer d'autres positions. Une bonne baignoire géante avec des jets, des bulles, une douche avec un pommeau qui masse, différents jets, différentes puissances, tout ça. Donc voilà pourquoi en vacances, ça peut être un petit peu différent et ça peut aider à se lâcher. Lâcher prise, je crois que c'est le maître mot. C'est vrai qu'on n'a pas les soucis du travail, pas le souci de se lever le lendemain. Hein. C'est vrai que faire l'amour au petit matin quand tu te réveilles à 6h30 pour être au travail, c'est plus compliqué quand même déjà. Hein. Les pulsions, tu les gères différemment, je suis bien d'accord. Il y a aussi, alors, quand on commence à se lâcher un petit peu, à être un petit peu coquin l'été, on va un petit peu plus loin dans des positions, dans des lieux aussi. Ouais. Et puis c'est des lieux qu'on ne connaît pas, alors on peut y aller pour le tourisme, hein, on peut y aller pour visiter, mais aussi sur le chemin du retour, hein, on a fait une petite balade, on a été visiter un petit château, on a été visiter un musée, et puis sur le chemin du retour, on passe par la campagne, par la forêt, les petits chemins, ouais. Les petits chemins, on a trouvé une petite rivière, et puis c'est le moment d'expérimenter. Et tu vois, on en revient aux vêtements qui sont plus courts, quand même plus propices aux furtifs que le jean Santiago et puis le à col roulé. C'est vrai que ça engage un peu plus. Et puis t'as moins froid. Alors on salue Aurélie, Coraline qui nous écoute, Laetitia, Doriane. On a des femmes qui nous écoutent hein, ce soir et qui dit effectivement hein, donc les lieux, les nouvelles expériences, les lieux inconnus, expérimenter des nouvelles choses, le lâcher prise surtout. Alors c'est sûr qu'on peut nous dire dans les campings en tente c'est pas pareil. Ça dépend de ta tante. Oui. Non, c'est vrai que... Mais est-ce que, par exemple, d'entendre les autres faire l'amour, est-ce que ça peut ne pas être excitant? Parfois. Tout dépend les bruits que ça fait aussi. Hein? Aussi. Tout est proportionnel, je suis d'accord. Mais aussi la peur de te faire surprendre. Est-ce que c'est pas une petite excitation? Dans les douches du camping le soir en se disant... Ah, s'il y a quelqu'un qui nous surprend d'être un petit peu en mode furtif, moi je trouve que le côté furtif peut aussi donner l'essence plus en éveil. Puis les tenues courtes, les corps des autres, un petit peu de voyeurisme aussi. Allez, hein? Allez, on s'avoue des choses. on y va. Est-ce que des fois, dans le couple, tu bénéficies pas aussi de l'excitation que tu peux avoir d'avoir vu d'autres corps? Bien sûr, que mais bien sûr. Ton partenaire habituel. Donc voilà, un petit peu tout ce qui peut nous aider l'été pour le faire chaud. On se disait aussi qu'il y a deux manières aussi d'aborder l'été. Il y a le célibataire. Le célibataire. Le ou la célibataire. Et le couple. Et le couple sans enfant et le couple avec enfant. Ah oui, très différent quand même. Allez, on va commencer avec le couple avec enfant. Il existe dans les hôtels, dans les campings, des garderies, des centres de loisirs un petit peu. Ça peut être le moment de temps en temps de les lâcher à cet endroit-là et de se faire une petite parenthèse. Oui, et puis il faut aussi se dire souvent, les vacances, c'est synonyme piscine, eau, jeux aquatiques, et ils sont bien crevés le soir. Et ils dorment bien. Ils dorment bien. Et puis après, le couple sans enfant. Donc avec moins d'obligations, forcément. Donc là, qui va pouvoir se retrouver, comme on disait, sur des heures différentes, sur des moments différents. Trouver d'autres couples. Aussi. Si on veut expérimenter, trouver pourquoi d'autres couples. Pourquoi pas s'autoriser à des fantasmes. En tout cas, je pense qu'effectivement, l'été... Alors, est-ce que c'est clé? Je pense que le fait d'avoir des corps qui sont plus dénudés sont plus propices aussi à s'autoriser, à fantasmer, à s'imaginer des choses et que le partenaire en bénéficie inévitablement. Après, le célibataire. Le célibataire. Alors, il y a la bonne expression, le chasseur, le bon chasseur, et celui qui cherche l'amour et celui qui cherche les conquêtes. La performance, effectivement. Ouais. Et puis, on a aussi le célibataire qui voyage en groupe, groupe de potes. Groupe de potes filles, groupe de potes mecs. Garçons. Et on essaye d'aller rencontrer aussi d'autres groupes du sexe opposé ou pas d'ailleurs. Oui. Donc après, il y a aussi l'émulation, là, comme on dit, la compétition qui peut s'installer avec les copains et les copines. Oui, et en même temps, une sorte de désinhibition. Est-ce qu'on ne va pas plus facilement draguer en groupe que tout seul? Est-ce que ce n'est pas plus facile quand tu es en bande, déjà un petit peu désinhibé parce que dans l'esprit festif avec tes potes, est-ce que ce n'est pas plus facile de brancher quelqu'un d'autre? Moi, je crois. Mais je pense, effectivement, tu as raison. Et quand on est aussi célibataire, on a cette recherche, on est un petit peu libre, on a... pas la pression de dire si elle me met un râteau, je vais devoir changer de bar parce que c'est le bar que je fais tous les samedis. Là, c'est un bar que vous ferez pendant les vacances et que vous n'y retournerez plus après. Donc rien à perdre. Rien à perdre. C'est vrai que si vous avez l'habitude de sortir dans le même bar, voilà, vous rencontrez une fille qui est, voilà, vous a repéré depuis plusieurs week-ends, et ben si vous l'abordez, vous prenez un râteau, c'est sûr que le coup d'après, quand on y retourne, c'est pas pareil. Là, on n'a pas de pression. Moins de si pression, ça marche pas, moins je de change. Pression intellectuelle et moins de pression de façon générale. Après, je pense qu'il y a là, on décrit que les côtés positifs de l'été. Ah oui. Tu me vois venir avec mon côté toujours un peu grincheuse, un peu. Je cherche le petit défaut. Mais l'été. Il fait chaud. Il fait chaud. Ça colle. Ça colle. Ça colle. Ça glisse. Ça peut être bien que ça glisse. Ouais, mais... ça dépend des positions. Parce qu'à un moment, si t'es un petit peu en acrobatie, si ça glisse, il peut y avoir l'accident quand même. C'est vrai, ça peut être dangereux. Ouais. Après... ça sent. Non, là, je suis désolé, hein, on est un petit peu... Ah oui, on mais... transpire. Si on transpire, forcément. Hein. Donc, il faut bien penser à s'hydrater, hein. Ça, c'est important. On voit le sportif en toi. Le sport... ah. Mais on a dit des salles de bain sympas. Donc, oui. On... accès à la salle de bain, à la douche, et c'est reparti pour un tour. Après, on parlait des lieux, mais ça gratte aussi. Ah, le sable. Le sable, l'herbe, c'est romantique, les feuillages. Mais... ouais. Pensez à la couverture. Oui, voilà. Un furtif un peu préparé, alors, avec idée quelque part. Après, toujours, bon, la protection, on parle aussi protection préservatif, par exemple. Il faut savoir qu'avec les fortes chaleurs, on peut abîmer les préservatifs. Il faut être vigilant, ça serait dommage quand même de passer la journée au chaud, sous le soleil, et puis de conclure au clair de lune sur la plage et de se dire, ah bah tiens, il n'est pas potable, mon préservatif, et puis on loupe l'occasion. Ah ouais, non, ou là, on ça, se met en danger, ça c'est pas bon. Ça c'est moche, ça c'est moche. Donc... c'est vrai que voilà, l'été, il y a aussi ça. Et puis, l'été, c'est aussi le moment de la séparation. Après, une fois qu'il y a eu la rencontre, ah, l'amour de vacances. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait après de ça? Hein? Eh bien, il y a peut-être des solutions, si on s'est accroché, pour pouvoir maintenir cet amour naissant. Mais moi, je pense que ce que tu nous dis, ça va rejoindre un petit peu notre deuxième chronique. Comment prolonger l'effet vacances dans le couple? Parce que c'est la même chose. Exactement. Soit faire couple, soit prolonger l'effet vacances dans le couple. Comment pimenter un petit peu notre quotidien pour que les effets positifs de cette chaleur restent. Donc voilà, ça sera dans notre deuxième partie d'émission, un petit peu cet amour de vacances, comment le faire prolonger. Et puis ensuite, les couples qui rentrent et qui retrouvent les conditions de leur routine. Comment ne pas retomber dans tout ce qui fait routine. Donc on se retrouve après un titre, hein, Calypso Blues. Ça te va? Ah, j'adore. Très bien. Une grande dame. Et Lost on You de LP. Aussi, une très, très belle voix. Très bien, on se retrouve juste après dans Moiteur et Tremblement jusque 23h et un tout petit peu plus. Si vous êtes sage. À tout de suite. Why yo, why yo, why yo, why yo? Take a drink of heaven. Voilà notre petite sélection musicale qui nous paraissait propice à des moments détendus et câlins. Mais n'hésitez pas à nous partager, vous, vos suggestions musicales de douceur, voire plus si affinité. Donc, on attend vos propositions. La page Facebook de l'émission est ouverte. Et tremblement. Vous nous envoyez un message, hein. On a Laetitia et Dorian qui n'hésitent pas à le faire. D'ailleurs, Dorian, c'est sa première fois aujourd'hui. C'est la première fois qu'elle écoute l'émission. On va être doux. Oui. On va dire plein de mots d'amour. Plein de mots d'amour. On l'aime très fort, déjà. Alors, on était, avant cette pause musicale, en train de se dire que l'amour de vacances, je le quitte. L'amour en vacances aussi, l'amour dans le couple. Oui, l'amour en vacances. Et je le quitte, je le garde. Comment je peux maintenir, loin des yeux, loin du cœur, mais c'était quand même bien. Ouais. Et puis le couple qui rentre et qui pourrait se dire, bah, métro, boulot, dodo, c'était sympa dans la baignoire de l'hôtel à 14h ou à 3h du matin, mais là, ça va être moins facile. Là, tu comprends, chérie, demain, je me lève. Ouais. Voilà. Tu comprends, chérie, je ne me suis pas épilée. Tu comprends, chérie, voilà, y aller devoir des enfants. Donc tout ça, comment éviter ces travers? Je suis sûre que tu as des bonnes idées, Léon, dis-moi. Je pense que tu en as aussi, il ne faut pas non plus toujours me donner la responsabilité des choses bonnes à faire. Hein. Oh, c'est pas si désagréable que ça. Non, c'est vrai. Alors comment on pourrait prolonger son amour de vacances? Voilà, moi je vais m'intéresser à l'amour de vacances. Il était beau, elle était belle, elle vous a fait vibrer tout l'été. Il était bronzé, à son avantage. C'est ça. Vous rentrez en train, en avion, et vous sentez la chaleur de ses baisers dans votre cou, et déjà la nostalgie des vacances en rentrant. Et là, vous dites, mais c'est pas possible, je ne peux pas couper ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des étapes déjà avant, hein, parce que c'est vrai qu'on est ensemble, il nous reste une semaine ensemble, puis il nous reste 5 jours, puis il nous reste 3 jours. C'est le départ. Puis lui, en fait, tu vas me faire pleurer. Vous partez le samedi, mais lui part le vendredi. Faut lui donner envie de rester. Déjà. On peut lui proposer un jour de plus. Tu quittes ta location le vendredi, mais viens dans ma location à moi. Allez. Je pars samedi. Prolonge. Ne t'inquiète reste pas. Reste avec mais moi. Mais oui, reste. Et puis voilà, on n'y avait pas pensé, mais on fera quelques photos, on fera quelque chose qu'on n'avait pas encore fait, on ira à un endroit où on n'est pas encore allé. On rajoute des souvenirs. On rajoute des souvenirs pour les marquer, pour marquer l'autre et un peu l'accrocher. Alors après, voilà, je vais revenir, hein, je vais toujours faire la mouche du coche, hein, mais est-ce que le meilleur moyen pour que l'autre reste accroché, c'est pas aussi un bon rapport sexuel? Je me suis censurée, j'étais partie sur des gros mots. Une bonne baise, tu voulais dire. Voilà, je voulais dire une bonne baise. Moi, je pense qu'il n'y a rien de tel pour faire rester un amant ou une amante qu'un bel orgasme. Ça aide aussi. Alors, je vois bien ton côté romantique, hein, oui, dit, mais je le sens, hein, ouais. Mais on est dans moiteur et tremblement déjà. Et puis bon, on vit pas que d'amour et de flonflon, hein. Si tu prends pas ton pied, tu rappelles moins. C'est vrai. Je suis pragmatique, je suis une fille comme ça. Et moi, je suis un homme romantique, effectivement. chacun sa façon de marquer les esprits de l'autre, hein. Écoute... Oui, je réfléchis. Mais alors, moi, je pense qu'il y a un endroit où on peut se retrouver entre le romantisme et la sexualité, le fantasme. Ah. Moi, je crois que pour... Et ça marche aussi bien dans le couple déjà installé que dans le couple qui aimerait prolonger. Mais je crois oser au téléphone, sur message, oser les choses un peu cochonnes, un peu coquines, qui donnent envie, qui suscitent le désir de l'autre autrement aussi pour pouvoir continuer à attiser tout ça et à ce que les corps ne se rendorment pas, en fait. C'est ça. L'idée, c'est de maintenir un éveil sexuel, une tension toujours entre deux personnes. Alors ça marche pour un couple, mais ça marche, comme on disait, comme des personnes, des amours de vacances qui se sont rencontrés et qui veulent maintenir le lien. Alors pour ça, effectivement, il faut être pragmatique aussi. Là, je vais l'être, il faut échanger ses coordonnées. Oui, alors ouais. Ça, c'est le début. Oui, c'est le début, sûr que d'accord. Par télépathie, on ne fait pas encore. Ah, il était beau, comment il s'appelle? Je l'ai mis à quel numéro dans mon répertoire? Ouais, là, c'est, là, pour un romantique, là, tu casses voilà. Le mythe, je suis désolée. Hein. Non, non, mais moi, je reste pragmatique, hein, je veux bien sortir de mon confort, hein, sortir de ce que je suis, et puis essayer de me la jouer à la loue, un petit peu plus pragmatique. Et comme tu disais, après, il faut maintenir le contact, se rappeler, tu te rappelles ? Ouais, moi, je pense qu'il faut... C'est le moment aussi de débrider la parole. Ouais. Je crois que vraiment, à ce moment-là, pas pour se raconter sa vie, hein, on n'est pas chez le psy, hein, on est bien dans un couple, hein, mais justement, hein, pour se raconter sa sexualité, comment on l'imagine, comment nous, on l'a vécu, qu'est-ce qui nous a le plus plu, et d'attiser chez l'autre comme ça, réveiller ce qui lui a plu, ce qu'on sait qui lui a plu, et... Est-ce qu'on imagine pouvoir faire si on se retrouve ? Je trouve que ça, c'est des choses intéressantes. Alors, on peut, voilà, comme tu dis, se retrouver. On est à distance, loin des yeux, loin du cœur. Maintenant, on a des nouvelles technologies qui, au niveau de Skype, de Messenger... La sexualité virtuelle ? Ah non, je vais encore trop vite, excuse-moi. Mais, si, on peut oser le sexe à distance. Que ce soit par des textos, des mails, des photos, mais vidéos... Mais même des cams ! Et des... Vidéos. Ouais, ça, tu parles un peu geek, là. On va, excuse-moi. On va rester... Hein ? Un peu geek là sur l'histoire. Des vidéos, effectivement. Et puis, on n'hésite pas, c'est nouveau. Alors, c'est sûr que ça fait un peu peur quand même, les nouvelles technologies. Si on rentre un petit peu dans le côté geek et préventif, on ne sait pas ce que l'autre pourrait faire de ces images. Je pense qu'il ne faut pas commencer par ça. Il faut avoir confiance. Oui, peut-être pas commencer puis... par ça. Mais en même temps, tu peux aussi être aguicheur. Tu n'es pas obligé tout de suite de montrer... Le service trois pièces pour un homme et peut-être faire sous-entendre des choses pour rester dans le romantisme et la sensualité là, avant d'être dans la sexualité brute. Je pense que tu vas encore me dire « Oh, le romantique, le vieillot, la lettre érotique, qu'est-ce que t'en penses ? Les courriers, avec un parfum, avec... C'était bien au 18e. Oui, mais la mode, tu vois, c'est un éternel recommencement, tu c'est penses pas, faux. Pas ? Non, alors... oui, c'est sûr que de prendre le temps d'écrire... Alors déjà, il ne faut pas faire de faute d'orthographe parce que tout de suite, c'est moins abondant. Hein, je suis désolée, hein, ouais. je sais, je suis une casseuse d'ambiance. Mais alors, moi, je vais aller plus loin. Tu vois, on parlait du couple. Moi, je propose plutôt la lecture de contes érotiques à deux. Ça, c'est de la vraie sensualité. Ça, c'est des vrais préliminaires. Tu vois, pourquoi pas, à la limite... Vous êtes à court d'idées, mais envoyez-lui un petit passage de conte érotique bien choisi, qui vous a fait penser à cette personne. Lisez-lui à haute voix. Lire à haute voix un conte érotique avec l'amant à côté, c'est quand même pareil. Faire monter la tension sans se toucher tout de suite, c'est un... Voilà, je te rejoins sur ce côté-là, mais en y mettant un... Après, la lettre parfumée, il ne faut pas que ça cocotte, le temps que ça arrive, bon, je ne sais pas, je suis peut-être trop impatiente pour faudrait ça. Il ne faudrait pas exciter le facteur, déjà. Parce que si c'est le facteur qui... on n'aura peut-être pas le courrier. On peut organiser des week-ends en amoureux. Alors, je vous dis, on est amour de vacances, on est distant des uns des autres, on est peut-être à 600, 500, 800 kilomètres. Eh bien, si on organisait un week-end à mi-chemin. Et comme ça, on prolonge un peu l'idée des vacances. On ni prolonge. Chez toi, ni chez moi. C'est ça. C'est toujours vivant. Dans un endroit inconnu. Pas mal. Alors, c'est sûr qu'après, si on s'attache, faudra peut-être réfléchir à un déménagement l'un ou l'autre. Et ça, c'est la suite de l'histoire. Ça, on laisse... Vécu heureux, c'est ça. Allez, il va nous faire... Il est insupportable, ce romantique. Et bientôt, il va nous parler d'enfants. Non, pas encore. On ne sait pas. Il faut... Parce qu'encore une fois, les amours de vacances... Voilà. On a vécu une semaine, chacun sa tente. Et puis on a fait tente commune pendant un moment, ou bungalow, ou chambre, tout ça. Et puis, on continue, on discute, on fait connaissance, on maintient le lien et tout ça. Et puis ensuite, on se fait des petits week-ends en amoureux. Ok, d'accord. Mais Yaron, est-ce que tu sais pas comment vivre une semaine, un mois avec la personne ? Le quotidien, je te vois venir. Le quotidien qui tue tout, les chaussettes. C'est les chaussettes, ça se résume aux chaussettes. Et quand il arrive et puis qu'il laisse sa brosse à dents et que tu avais ton espace à toi et qu'il l'envahit. Parce qu'au final, quand tu es dans sa tente, dans ta tente où c'est un moment de c'est vacances. C'est un partage beaucoup plus voilà, facile. Tu te sens pas envahi de tout ça, dans ton intimité. Toi. Mais chez toi. Ouais, c'est pas pareil. Donc voilà, et donc dans cette configuration là, on a les couples qui vivent depuis un moment et c'est un peu la même problématique. On vit ensemble, on se connaît, l'intimité c'est un peu évaporé. Le quotidien, se faire bouffer par le quotidien aussi. Hein. Est-ce que tu as fait à manger ? Non, je te prends toute nue sur la table. C'est vrai que c'est pas tous les jours dimanche. C'est hein, ça. On est d'accord. Tu sais combien il coûte le poulet érotique que j'ai acheté ? Que t'as foutu par terre et que le chien était en train de s'enfiler ? D'accord. Non, mais on revient à des choses pragmatiques. Je vois bien que tu essaies. Bien sûr que je pourrais dire, mais non, mais ce poulet, mais on s'en fout du coup de ce poulet, tu vois, ce que nous allons vivre là sur cette table, tu vois, c'est vaut largement plus que ce poulet. Enfin, tu vois, il y a un moment, je peux être romantique, mais j'ai bien compris qu'il faut que je fasse des efforts, être un peu plus pragmatique. Le coût du poulet, donc. Donc voilà, le quotidien. Comment on fait pour que le quotidien... Alors, bon, le Kama Sutra, ça, on en a déjà parlé, je crois, lors de la première émission. On n'est peut-être pas obligé d'être pro-gymnastique pour que le couple y fonctionne. Non, l'imagination, maintenant, il y a des livres, des applications, des dessins. Ouais, moi, je suis pour, hein. Comme je vous disais, les lectures du conte érotique, les choses comme ça. Les sextos, alors je pense que quand tu es en réunion et que tu reçois ce soir... Je te fais ta fête. C'est vrai que c'est difficile à rester concentré en réunion, mais en et tout en cas... Et en même temps, c'est ça qui fait monter le plaisir. T'as envie de rentrer. Voilà, pas pour le poulet cette fois-ci. Exactement, exactement. Encore une fois, bah voilà, les lieux, on est vraiment sur ce qu'on peut retrouver en vacances, mais casser cette routine et changer de lieu. Moi, je crois aussi que c'est nous qui nous imposons cette routine. Hein. Dans ta maison, il n'y a pas que dans ta chambre que t'es obligé de le faire. Soyons non, clairs. Bien sûr, bien sûr. Hein, c'est quand même très important. Et puis, il y a pas mal de couples hein, qui s'adonnent à ça, les jeux de rôle. Oui. Les jeux de rôle, si t'as envie de pimenter un petit peu ton quotidien, de sortir de ta zone de confort, de ce que t'as l'habitude, et exciter l'autre. Moi, je crois que le secret du couple aussi, c'est toujours maintenir l'excitation de l'autre, le désir. Et puis, faut tenter. Faut pas avoir peur, faut oser ses peurs, comme on dit. Faut pas avoir peur, mais faut les oser. Parce que jouer à un jeu de rôle, enfin, tu vois, moi, là, pour l'instant... romantique, je suis un peu inhibé. Pour l'instant, ça sera plus un jeu de rôle. C'est-à-dire que je rigolerais si je vois ma compagne arriver en Catwoman. C'était pas prévu. Ou même si c'était prévu, quand je vais la voir débarquer, je vais peut-être me péter une barre, tu vois. Et en même temps. Est-ce que on ne peut pas rire? Est-ce que c'est pas ça le vrai secret du couple, d'être capable de rire et de baiser? Ouais. Parce que là, on va parler de baise. Ah ouais, t'as dit baiser là. Allez, on le dit, on a le droit. Oh mon Dieu, elle a dit baiser. Il est 11h. Moins 7. Moins 7, on a le droit. À moins 7, on a le droit. On a le droit de dire baiser. À moins 7, le sexe, c'est bon. Mais donc du coup, moi, je crois que quand t'es capable de rire. Et justement, de ne pas te prendre au sérieux, c'est là où tu vas oser bah ouais, le Catwoman, le déguisement de Layla, le déguisement de tout ce que tu veux. Ou pas de déguisement du tout. Les vendredis tout nus à la maison. Instaurer une règle des vendredis tout nus. Ouais. Pas vendredi que au travail. Non, commence pas au travail. C'est-à-dire que... Ah bon, non, mais voilà, c'est vrai que tu rentres avant ton conjoint le vendredi. Hop, un petit selfie tout nu, un petit selfie à poil. Voilà, n'oublie pas, quand tu rentres, c'est tout nu ce soir. Voilà. Et puis, effectivement, on ne commence pas... On laisse bien le poulet dans le four, on prend le temps de se servir... Ah, je croyais qu'on commençait pas à se masturber avant que l'autre arrive. Non, arrête. Et pourquoi pas? Non, mais un petit dîner romantique tout nu, faire la cuisine tout nu, voilà. Servir l'autre tout nu... et puis voilà, et ainsi de suite, on arrive... Jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, qu'on saute l'un sur l'autre. Ouais. Le challenge, c'est d'arriver après le dessert. C'est pas dit que le dessert se fasse. Voilà, après le dessert, il peut se faire... Et on mange léger, là. Ouais, il peut se prendre après avoir fait l'amour, c'est ce qui est bien. On est d'accord. Alors, plein de choses. Hein. Aujourd'hui, il existe des coachings personnalisés. Voilà, alors que ça soit en groupe ou pas, alors on en parlera dans une autre émission. Hein. J'ai pris contact sur Facebook d'une association composée de sexologues notamment et qui font des réunions. Ça se passe au restaurant, des conférences et puis des initiations. Alors après, faut oser aussi hein, y aller en couple, être face au groupe. Voilà, faut se lâcher. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ce genre de choses si ça existe, c'est qu'il y a une demande. Ça veut dire qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir maintenir la sexualité dans notre couple, de pas partir sur cet acquis et d'être. Moi, je vois ça comme quelque chose de positif. Après, peu importe le moyen qu'on utilise, j'ai envie de te dire qu'on utilise. Tous les moyens sont bons, que ça passe par le coaching, par. Les sextoys, les sextapes, les ambiances, les déguisements et tout ça. Effectivement, il y a plein de méthodes. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, par des conférences, par des connaissances, peuvent débloquer aussi, débrider certaines choses. Oui, et puis c'est encore une fois se dépasser et être aussi attentif à l'autre. Moi, je crois que ça aussi, ça veut dire que tu ne perds jamais de vue le désir de l'autre, de ton conjoint. Donc, tu... Déjà, rien que ça, c'est la bonne route. j'ai envie de te dire. C'est vrai. Le chemin est bien trouvé. Eh bien, c'était des bonnes idées, j'espère. J'espère que ça vous a donné des... Motivez-vous, discutez-en, il faut parler aussi, c'est important. L'idée, c'est mais de pas se trop. Dire... Oui, oui. Il y a un temps pour tout. Hein. J'ai bien compris. Les mots d'amour, les mots de tous les jours, soit. Hein. Mais au bout d'un moment, hein, les actes. C'est voilà. Ça. Une caresse, une fessée. Et c'est bon. D'accord, très bien. Okay. Non mais je prends fessée, note. Hein. Une petite fessée. Oui, on se posera d'ailleurs un jour la question de oui, à partir de combien ça. De fessées, de combien de à quelle puissance on accepte. Ou est-ce que c'est sensuel ou est-ce que c'est sexuel ou et où est-ce que tu te reprends une tarte au retour. C'est en fait. Ça. Voilà, la fessée, la gifle. Voilà. Voilà. Faut savoir doser effectivement. Alors ça sera pas nos propos aujourd'hui. Aujourd'hui, on sera sur le cunnilingus et sur la fellation. Juste après, donc, cette prochaine pause musicale, on prendra le temps. Alors, il y a Laetitia qui voulait écouter Sexe de Seize. Voilà, et elle l'a demandé. Donc, on lui passe, avec plaisir. Et ensuite, ça sera spécialement pour toi. Human de Rag & Bone Man. Parce que ça aussi, ça donne envie. Un bon musclé, barbu, ouais. Avec une grosse voix. Ouais, les okay, grosses voix d'accord. Comme Barry White, il n'y a rien de tel. Ok, très bien. Eh bien, c'est 16 pour le moment. Et ensuite, ça sera Rag & Bone Man. A tout de suite. T'as l'embout, tu sais. Non, ne t'arrête pas. Continue de lécher. Que j'aime quand tu fais ça. En totale soumission. En total don de toi-même, fais monter l'excitation pour l'amour et la haine. Mais t'as l'engout, tu sais. Non, ne t'arrête pas. Continue de lécher. Que j'aime quand tu fais ça. En totale soumission. En total don de toi-même. Fais monter l'excitation. Pour l'amour et la haine. Ça fait du mal. Ça fait du bien. Mais ta langue, tu sais, plus profond que ça, continue de bouger, que j'aime quand tu fais ça, en totale soumission, en total don de toi-même, fais monter l'excitation pour l'amour et la haine, ça fait du mal. Du mal.

On va pas essayer de faire de jeu de mots là-dessus. Mais donc nous avons parlé en début d'émission, effectivement. Donc on parlait des classiques du couple, mais il y a aussi les valeurs sûres, hein, la fellation et le cunnilingus. Et je pense que ça mérite de s'y attarder un peu et d'échanger là-dessus. Alors, monsieur le romantique, je sais aussi que tu vas nous faire un petit peu d'histoire. Je pense que ça peut être intéressant pour pouvoir que mieux rebondir sur le quotidien. L'histoire, un peu de scientifique, un petit peu de définition, c'est toujours intéressant. Puis, avant bien sûr, la pratique. Je te laisserai le côté pragmatique. Alors, fellation, qui vient du latin fellatio, qui est un dérivé de fellare, qui signifie sucer, téter. Voilà. Donc, aujourd'hui, fellation, un mot latin, donc on peut... Enfin, qui vient du latin, donc on peut imaginer que justement, dans la période de la Rome romantique et dans d'autres civilisations, déjà à l'époque, on pouvait pratiquer. Quand on s'est documenté, hein, on s'est dit que c'était effectivement une pratique qui était plutôt réservée aux êtres humains. Oui, grande question qu'on s'est posée. Est-ce que les animaux aussi pratiquent le plaisir buccal ? Eh bien, à savoir que par exemple, chez les bonobos, effectivement, voilà, et dans le but d'un gestion de conflit. Alors, il faut savoir que les bonobos, quand il y a un conflit... Ils baisent. Mais ils ont tout compris. Je vais me réincarner en bonobo. Eh bien, écoute, je te le souhaite. Je te le souhaite. Et puis après, avec une finalité sexuelle chez les sauves-souris. Voilà. Je pense qu'il y a la fellation pour pouvoir faire monter l'excitation du mâle. Et ensuite, la semence pour... Tu m'auras appris quelque chose. Mais ce oui, soir, bien sûr. Alors après, dans la fellation, on a plusieurs pratiques, hein. On a, voilà, la fellation. Alors tu disais, hein, que c'est vrai que c'est plus facile de réussir une fellation qu'un cunnilingus. Ah, je pense. Avec cette énigme du clitoris, mais on en parlera un petit peu donc dans la partie cunnilingus. Et dans la fellation, on a la gorge profonde. L'irrumation, est-ce que tu sais ce que c'est que l'irrumation ? Alors, le terme comme ça est quand même moins bandant. Excuse-moi d'utiliser un terme un peu cru, mais vas-y, explique-nous tout. Eh bien, l'irrumation, c'est une fellation active de la part de la personne qui utilise son pénis dans l'acte. En gros, tu pénètres la bouche de la femme. Voilà. Et donc, tu pratiques des va-et-vient avec ton sexe dans la bouche de ta partenaire en lui tenant la tête ou pas, si tu veux, mais ouais, un peu toi. Mais voilà, c'est une des pratiques, l'irrumation, qui fait partie des fellations. Alors moi, je pense que effectivement la fellation, on disait, et on avait laissé un lien sur l'émission, hein, le cunnilingus était quand même condamné pour cause de complexité, c'est ça hein, c'est que ça, tu voilà, me disais. Un article du Monde, hein, donc je vous dis, quand on parlera du cunnilingus, on en reparlera, mais pour un petit peu avoir idée, c'est Maya Mazorette, qui est donc journaliste, qui a fait ce post pour Le Monde, qui dit « C'est un repas de fête, pas un sandwich jambon-beurre ». C'est plus noble, le cunnilingus, alors c'est ça ? C'est plus technique ? Non, je pense qu'effectivement c'est plus technique, mais que ça doit se faire avec la même douceur. Attention, alors, on pourrait croire hein, que la fellation est peut-être paraît plus évidente, parce que, effectivement, le sexe de l'homme, est-ce que parce qu'il y a aussi quand même une plus grande culture de la fellation ? On parlait là, lors de la première émission des films érotiques ou carrément des films... de boule, disons le. C'est vrai que la fellation, on la voit à toutes les scènes. Effectivement. C'est vrai que la fellation est faite, plus... elle prend du temps. Souvent, elle commence. De l'application. Oui. Les femmes s'appliquent. Non, mais moi, je te parle dans les films porno. Oui, mais elles s'appliquent pour faire la fellation oui, dans bien les sûr, films porno. Bien sûr. C'est quand même des scènes qui durent. Exactement. Donc, ça prouve bien que c'est quelque chose qui génère du désir. Et elle conclut souvent l'acte en plus. Avec, on en parlera un jour sur une émission spécialement sur la porno, oui. Mais effectivement sur l'éjaculation faciale ou même sur d'autres parties du corps. Mais en tout cas, effectivement, le sexe masculin, on le voit, la jouissance féminine, on la voit, la jouissance donc sur tout son corps pour la femme. Par contre, la jouissance masculine dans les pornos, on la voit pas trop sur la tête de l'homme, on la voit plus sur son éjaculation justement. Voilà, c'est et donc, peut-être ça reste, moins vendeur. Cette fellation et cette semence qui sort de donc du pénis, c'est quelque chose qui se montre et qui donc se pratique. Une autre pratique dans la fellation, c'est l'autofellation. Et oui, il y a des hommes qui réussissent à s'auto-fellationner. Des célibataires, donc. Oui, ou peut-être pas. Peut-être qu'en préliminaire pour exciter madame, ou je sais pas. Non, non là, j'ai un affreux doute. Non, mais en tout cas, il faut être assez souple. Hein. Oui. Faut avoir une... Allez, vas-y, dis-le. Il n'ose pas dire des gros mots. Une bite. Un pénis, une verge assez, assez grande. Et il y a même des rumeurs qui disent que certains, notamment Marilyn Manson, se seraient fait enlever les dernières paires de côtes pour pouvoir se pencher plus facilement. Pour, ouais. En tout cas, les rumeurs, les mythes urbains. Raconte ça. Donc mais la fellation, on est toujours dans cette histoire culturelle toujours de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est un vice, est-ce que ce n'est pas un vice. Dans les cultures, notamment chez les Romains, un Romain pouvait se faire sucer sans problème. Par contre, un homme qui suce la bite de quelqu'un, ça c'est très mal vu. On appelle ça des fellateurs. Et les fellateurs étaient très mal vus dans la société. C'est quand même l'insulte suprême. Hein. C'est c'était l'insulte suprême à l'époque. À dire aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait la remettre au goût du jour comme insulte. Non. Dans certaines sociétés, la fellation est considérée comme la sodomie ou même le baiser, comme quelque chose d'impropre dans les activités sexuelles. C'est-à-dire que l'activité sexuelle doit servir à la reproduction, alors que la fellation... Et le baiser implique la bouche, et la bouche sert à l'alimentation. La sodomie, c'est l'anus, et ça sert à la défécation. Donc dans certaines sociétés, on est fellation, on a cette sodomie, mais même le baiser. Comme quoi, tu vois, dans certaines cultures... Ah, ça veut dire tout ce qui est sensualité aussi, on retire tous les préliminaires, tout le... Parce que c'est ça, en fait, la fellation, au-delà de l'acte, et c'est quand même aussi le plaisir de donner du plaisir, de prendre le temps... de faire monter en l'autre le plaisir, le désir. Donc, c'est quand même assez intéressant de se dire d'où on est parti et que... Donc, c'était de la Grèce, tu me dis, en Grèce antique. Rome, voilà. qui interdisait ça, mais avec des strates où c'est autorisé parce que c'est une réalité de plaisir, mais en dévalorisant celui qui... Qui la pratique. Enfin, qui l'a fait. Qui l'a fait, c'est assez... C'est-à-dire qu'un homme qui se fait sucer par un autre homme, on ne va pas l'accuser d'homosexualité. Non, il s'est fait sucer, c'est très bien, c'est viril. Par contre, l'homme qui a sucé, lui, c'est un fellateur. Et tout ça. Pareil, les femmes qui sucent, ok, mais c'est pas encore, je peux dire valorisé, mais c'est pas encore reconnu. Et puis, c'est toujours c'est toujours la personne qui se fait sucer qui est mise en valeur plutôt que... Comme si c'était un acte de soumission. Et je me dis que c'est vraiment là où peut-être que... Heureusement que les mentalités ont évolué et qu'on a quand même beaucoup progressé. Alors c'est intéressant justement ce que tu disais sur donner du plaisir parce qu'il y a eu la révolution sexuelle dans les années 70, hein, mais même déjà avant, beaucoup de psychologues, de psychiatres, de sexologues ont commencé à se pencher sur la fellation. Est-ce que c'est un instinct sexuel? Est-ce que c'est une dérive? Donc au niveau neurobiologique, on a un petit peu réfléchi parce que des femmes qui sucent, mais elles sont folles, ça va pas, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont vraiment perverses pour faire ça. Et en fait, on se rend compte que, effectivement, où est le plaisir de la femme de sucer quelqu'un? Et justement, en faisant les études, on s'est rendu compte qu'il y a un plaisir un petit peu comme une sorte de conditionnement. Voilà, c'est-à-dire que l'homme prend du plaisir, il gémit, il est bien dur en érection, il va jusqu'à la jouissance. Et en fait, d'observer ce plaisir chez l'autre produit du plaisir chez soi-même. Voilà. Alors moi je dirais que c'est bien des phrases de neurobiologistes parce que je pense que c'est des gens qui réfléchissent beaucoup et qui agissent peut-être pas assez. Alors du conditionnement oui, mais aussi le plaisir réciproque, forcément la montée du désir en soi, de sentir l'autre nous désirer. Je pense que c'est un peu facile de résumer tout à de la biologie, à des hormones, mais il y a aussi un côté très pragmatique. On désire la personne, que de sentir son désir pour nous nous excite. Et je pense que des fois, c'est aussi simple que ça, nos amis neurobiologistes. Oui, mais écoute, il y a des corps de métier qui se sont développés, il faut bien payer leurs études. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça aide tout de même aussi puis à se dire ont fait que... des études longues. Hein. Voilà. Mais c'est que derrière, on nous dit, on n'est pas dans des dérives, on est quand même sur des choses qui sont naturelles, parce que ça dégage des hormones du plaisir, c'est pas que de la dérive d'une société. C'est aussi au niveau naturel. Voilà, c'est naturel et ça se fait. Donc la fellation, effectivement, tu disais que c'est difficile de la louper, entre guillemets. Je pense qu'il y a... L'organe est extérieur, il y a un art, elle est plus ou moins bien faite, on est d'accord. On prend plus ou moins attention à notre partenaire en la faisant. Et chaque femme et chaque homme va prendre ce plaisir-là différemment et y mettre sa petite spécialité, on va dire, pour la rendre plus ou moins inoubliable. Et puis, alors après, messieurs, si madame le souhaite, mais je pense que c'est pas forcément nécessaire de guider madame sur les va-et-vient de la fellation. Le sens est plutôt facile à trouver. Hein ? Parce que j'imagine ça, mal... On voit celui qui a regardé des films... Non, c'est dans un sketch humoriste d'ailleurs que j'ai eu cette extrait. Et c'est vrai que tout de suite, on a une image. Parce qu'elle dit, je vois mal la personne faire la fellation, pas de haut en bas, mais de gauche à droite. Voilà, tout de suite, on s'imagine, ça sort bien drôle. Et effectivement, on se dit, mais c'est vrai que la guider... Alors après, effectivement, dans les pratiques, il y a des femmes qui aiment sentir une pression sur leur tête, tenir les cheveux ou autre, et d'autres, non, qui préfèrent vraiment pratiquer et ne se pas... Se laisser aller. Voilà, se laisser aller sur... sur ce qu'elles sont en train de faire. Donc après, il y a différentes techniques. Hein. On commence par la caresse, la masturbation, le décalotage, les caresses du gland, de différentes parties. On n'oublie pas les testicules, le scrotum. Ça, c'est des zones. C'est une zone généralement érogène, cette partie-là. Effectivement, il y en a peut-être une, peut-être qu'une chez l'homme. C'est cette partie. Mais à cet endroit-là, précisément, il y en a plusieurs. Donc c'est quand même assez technique. Alors après, là où tout à l'heure on parlait des jeunes couples, des couples plus anciens dans la durée de vie, je pense que l'avantage quand même du couple qui commence à se connaître, c'est ça, c'est d'oser de plus en plus de choses, d'être attentif à ton partenaire et savoir, parce que de la même façon qu'on ne va pas faire un cunnilingus de la même façon à des femmes différentes, on ne va pas faire une fellation à des hommes différents de la même façon. Je pense que oui, il y a les zones érogènes qui sont situées au même endroit, mais on ne va pas faire monter un homme de la même façon. Et être attentif à l'autre, écouter là où ça lui plaît, et toujours se mettre au tempo du... Mais n'hésitez pas, messieurs, à communiquer aussi sur votre plaisir. C'est vrai qu'encore une fois, dans la culture, on entend plus la femme jouir, la femme crier, la femme prendre du plaisir. Et c'est vrai qu'on entend très peu l'homme, au final. Je sais pas si tu te rappelles, quand on préparait l'émission un petit peu, on a essayé de télécharger des bruitages. C'est vrai. Et on a et on se retrouvait avec des orgasmes féminins. Et c'est vrai que c'est important... est-ce que c'est parce que l'homme qui se laisse aller, qui dit que c'est bon, et est-ce que... Ça fait plus rauque, plus animal, et en même temps ça peut être sensuel, le côté animalité. Mais est-ce qu'il s'interdit de le faire parce qu'il a peur de se sentir soumis, ou de perdre une forme de virilité s'il ne contrôle pas son plaisir, et s'il se laisse aller Mais voilà, pour guider, pour communiquer, c'est aussi important de dire... plus fort, moins fort, continue, voilà, par des mots, ou même après par des gémissements. Hein, on est homme et on a le droit de gémir aussi en tant qu'homme. Hein. Revendique ce droit, mais je suis toujours d'accord avec toi sur ce... Oui. Quand je suis tu te revendiques, j'adore. Et j'ai envie de gémir. Je vais te faire un t-shirt, je pense. D'accord, très bien, ça me va. Donc voilà, après, effectivement, il y a des choses, on fait attention, hein, avec les dents, on fait attention. Hein, oui, ça, parce que là, tu peux gémir, mais pour une autre raison. Ouais, on fait attention, et puis ensuite... Moi, ça me fait rebondir un petit peu le droit de gémir à ces femmes qui se sentent obligées de simuler. Ah oui. Je pense que c'est une grave erreur aussi dans le couple, quand on parlait de couple naissant, de couple qu'on a envie qu'il dure. L'erreur du fait de simuler, c'est que votre partenaire, il ne sera jamais exactement ce qui vous plaît. Simuler, je pense... Alors oui, vous vous dites tout de suite, c'est pour... Je ne sais pas quel est le but exact pour faire plaisir flatter à l'autre. Flatter l'ego de l'autre. Sans doute, parce qu'il y a une sorte d'obligation de prendre du plaisir, d'être une femme hyper sexualisée. D'être tranquille et déterminée. Ouais, mais c'est encore pire dans ces cas-là. Mais je pense que le gros défaut de la simulation, c'est que l'homme va penser que ça lui plaît et se fourvoyer dans les câlins et les caresses et les choses qui ne sont peut-être pas les choses qui vous font le plus grimper au rideau, mesdames. Ça. Donc... Effectivement, la simulation est un ennemi du couple, à mon avis. Donc, oser, encore une fois, pareil, fellation est jusqu'au bout, avec jouissance. Mmh. Et puis, jouissance externe, ou dans la bouche, ou alors pas jusqu'au bout, et puis on finit autrement. Une mise en bouche, voilà. Dans ces cas-là, on appelle ça. Mais ça, encore une fois, il faut tenter, il faut oser, il faut tester, faut pas s'en vouloir. Hein, et puis voilà. Être suffisamment libre. Voilà. Alors, est-ce que tu nous refais une petite pause musicale avant qu'on parle du cunnilingus ? T'as envie de faire une pause pour revenir au cunnilingus ensuite, bien sûr. On terminera donc l'émission sur le cunnilingus qui est tout un art. Ah oui, un vaste débat aussi. Mmh. Et puis voilà, sur ce clitoris qui est une énigme. Où est-il ? Où est-il ? Il y a une énigme quand on parle de rentrée scolaire, il y a le mais où est donc Ornicard ? Et on n'a jamais trouvé Ornicard. Mais par contre, quand on arrive à dos, voilà, on a compris la règle. Mais par contre, quand on arrive à dos, qu'on commence à découvrir la sexualité, on sait qu'on parle de clitoris, on l'a jamais vu. Est-il une légende urbaine pour les ados ? Donc voilà, bah on essaye de parler un petit peu de tout ça. Et d'ailleurs, on a des auditeurs qui nous ont donné des indications justement sur le langage du cunnilingus. On se retrouve après Smooth Operator de Said et de Sign of the Time de Harry Styles. A tout de suite pour le cunnilingus. Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Comme nous l'a très précisément rectifié Cunilinctus, comme tu m'as, comme monsieur historique va nous raconter. Oui, et c'est d'ailleurs, on remercie une auditrice, Estelle, c'est ça, qui nous a justement dit qu'il y avait un problème de langue. Ça tombe mal. Mais en tout cas, elle a expliqué effectivement que Cunilingus ou Cunilinctus, l'important, c'est que c'est bon. Non, alors une information tout de suite, tiens, comme ça on balaye ça. Au niveau de la pratique, entre 25 et 49 ans, les femmes bénéficiant d'un bac ou d'un niveau bac sont ainsi 76% à profiter de ce genre d'aubaine bucoclito-vulvaire. Alors, c'est beau. J'aime beaucoup l'aubaine clito-vulvaire. C'est technique, hein, je te le dis. Bon, on peut appeler dire le broutage de binon. Oui, je me lâche. Par contre, 53% seulement pour celles qui ne disposent même pas de l'équivalent d'un CAP, BEP ou brevet. C'est-à-dire que... Plus t'es diplômé, plus tu te fais brouter. Est-ce que j'ai bien compris? Oh mon Dieu, j'allais le résumer avec une belle phrase. Et oui, c'est un peu ça. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Donc plus tu es diplômé et plus tu profites de pratiques bucoclito-vulvaires. C'est ça. Effectivement, c'est intéressant d'entendre ça. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu quand même un fake, cette information-là? Ou est-ce que tout simplement, on pourrait imaginer, mais ça serait très violent, que plus t'es diplômé, plus t'es sûr de toi, plus tu connais ton corps, plus tu connais ton désir, plus tu assumes de prendre ton pied? L'accès à la culture aussi, est-ce que ça joue? L'accès à la culture et donc vraiment plein de pans culturels, notamment la sexualité. On en fait un peu dans cette émission d'ailleurs de culture. Mais en même temps, la culture, très justement, on parlait hors émission du fait que le corps de la femme en anatomie et dans les cours n'est pas tellement appris. La preuve, c'est que c'est la première année où tu me disais le clitoris c'est... C'est ça, dans les manuels scolaires en sciences et vie de la Terre, effectivement, le clitoris, c'est la zone. Alors, le clitoris, c'est pas juste le petit bouton qui dépasse, et encore, faut trouver le bouton, des fois, il est bien caché. Il y a aussi toute une zone autour, donc on vous met sur la page Facebook, hein. N'hésitez pas à aller, il y a de la documentation. Pour les jeunes hommes qui. Voilà, un GPS, il y a TomTom qui vous explique où est-ce que vous êtes. Donc, effectivement, et ça, on aura aussi une émission. Alors, on a beaucoup de choses à parler tout au long de l'année, hein, donc tous les on vous donne envie de revenir. On aura, j'espère, une sexologue et notamment aussi des gens qui interviennent dans les écoles. Et c'est vrai qu'en discutant avec eux, ils disaient mais qu'on ne parle pas plaisir. On parle très technique, les MST, la sexualité, il faut être majeur, ouais. Le légal, le préservatif, comment il s'enfile, tout ce qui est voilà, protection, maladie, le technique, la pratique, mais très peu du plaisir de l'un et de l'autre. Et donc c'est vrai que ça commence à évoluer, c'est ce qu'on disait pendant l'émission. Et c'est vrai que si dans les manuels scolaires on commence et que les profs des SVT commencent aussi un peu à se libérer et à faire quelques informations et aider les femmes à se connaître, moi je crois que ça c'est un gros challenge parce que effectivement la fellation, tu nous parlais d'histoire tout à l'heure, mais je pense que historiquement ça fait peut-être moins longtemps qu'on autorise à parler du cunnilingus, dis-moi. Ah bah effectivement, hein, quand on cherche un petit peu, j'ai trouvé beaucoup moins de sources. Alors il y en a hein, quand même, hein, que ça soit même encore dans la Rome, dans la Grèce et tout ça, des pratiques de cunnilingus. Mais quand j'ai fait mes recherches autour de la fellation, effectivement, j'ai eu plein d'articles autour de la fellation, autour de l'Empire romain, de la Grèce, l'Inde, tout ce qui est aussi voilà de ce côté-là, la culture est aussi particulière au niveau de la sexualité, peut-être plus libérée, en tout cas dans l'Antiquité. Alors qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus l'inverse dans ces pays. Alors que quand on cherche sur le cunnilingus, eh ben, on va dire que ça a été moins transmis. Il y a peut-être moins de peinture, voilà, parce qu'on aimait bien peindre nos pratiques. Hein, c'était une forme de communication. On retrouve beaucoup, beaucoup moins. Ces témoignages-là qui viennent aussi, c'est vrai que culturellement, tout à l'heure, tu parlais de la bouche qui était là pour s'alimenter et la sexualité pour la reproduction. Typiquement, le cunnilingus ne peut être là que pour le plaisir de la femme. Et peut-être du coup on n'y pensait pas trop à une époque. C'était même interdit par la loi, notamment en Angleterre par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle, c'était interdit. Ou alors après, c'était représenté aussi de pratiques homosexuelles. Le cunnilingus. Encore une fois, cette soumission de l'homme, est-ce que l'homme se soumet entre les cuisses d'une femme. Voilà. Ou c'était, on se disait que c'était réservé aux esclaves ou aux obsédés sexuels. Donc encore beaucoup, beaucoup de tabous à relever là-dessus. Juste pour faire un peu de légèreté, c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette phrase qui dit « il n'y a pas de femme frigide, il n'y a que des mauvaises langues ». Mais je pense que peut-être que c'est une pratique qui est aussi moins utilisée parce que beaucoup plus complexe. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent effectivement bien manier cet art, on va dire. Prendre le temps d'écouter suffisamment, d'être suffisamment attentif à la femme pour pouvoir faire ça dans les règles de l'art. Et puis, alors, dans l'art, l'art, maintenant je ne pense pas qu'il y ait de règles. Parce que le corps d'une femme est différent voilà, de l'une à l'autre. Et puis la technique qu'on utilisait pour une de ses partenaires ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Encore plus si elle simule et qu'on nous induit en erreur. Hein. Et donc, encore une fois, c'est être à l'écoute, c'est de découvrir. Alors peut-être d'un point de vue tactile au départ, on sait qu'aussi le corps a une mémoire. Et donc, au niveau tactile, de toucher, d'effleurer, avec alors, plus ou moins de puissance, des gestes, voilà, soit alternés de haut en bas, de gauche à droite, on tourne dans le sens aiguille d'une montre, on inverse, hein, on est foufou. Mais ça, encore une fois, c'est aussi, il ne faut pas hésiter, mesdames, à prendre la main de monsieur et de la diriger comme vous la souhaitez. C'est vrai que voilà, quand on a un homme, on peut se dire ah, putain, elle est en train de me guider, ça veut dire que je sais pas faire. Non, elle est en train de vous apprendre. Et si elle est en train de vous apprendre à faire jouir son corps, profitez de la leçon. Est-ce que ce n'est pas la plus grande virilité qu'on peut avoir pour les hommes de savoir faire prendre son orgasme à une femme? Et là, on va dire qu'on a maintenant trouvé la technique avec ses mains, avec ses doigts, et puis bah, il faut y descendre avec sa langue. Et c'est pas la même sensation qu'avec les doigts, donc il faut découvrir encore à nouveau. Donc voilà, on peut aussi guider la tête de l'homme, et puis lui dire plus fort, moins fort, plus là, enfin voilà, faut pas hésiter à aider. Et bien sûr, encore une fois, il faut un petit peu baisser sa fierté, mal placée surtout. Mais surtout qu'en plus, voilà, là peut-être que c'est la femme qui parle, hein, mais quelle meilleure fierté, comme je me répète, hein, mais quelle meilleure fierté que de réussir à faire décoller son partenaire, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Une fellation bien faite peut être une vraie fierté. Un cunnilingus bien fait est une vraie fierté. Et au moins, on peut se dire merci tous les deux à la fin. Tu vois ? Merci de m'avoir fait jouer, de m'avoir fait jouir. Eh bien, merci de m'avoir appris. Et là, je pense que tu n'oublies pas de prendre le numéro de téléphone de la personne qui t'a fait prendre un pied monumental. Exactement. On revient au début de notre émission. Elle a dit, voilà, je suis avec une nouvelle partenaire, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux me donner la deuxième leçon, s'il te plaît? Non, mais on a aussi alors, aujourd'hui les sex friends et tout ça, oui, où on s'entraîne en fait. Exactement. On s'entraîne pour se dire, alors après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais le côté un peu, on s'entraîne pour être le plus performant possible. Et en même temps, ça donne un peu de légèreté à la sexualité, un côté un peu ludique et peut-être moins se prendre la tête, moins être accro à ma virilité ou mon orgueil où je dois absolument avoir un orgasme pour faire croire, enfin simuler un orgasme pour faire croire que je suis une fille épanouie. Je pense qu'effectivement, ce côté plus léger est bon à prendre aussi dans les couples. Eh bien voilà, donc si on résume un petit peu notre émission, on est parti de ce qui s'est passé cet été, de ce qu'on a envie qu'il se poursuive à la rentrée, au quotidien. Et puis notamment, dans ce quotidien, il y a deux pratiques voilà, qui sont intéressantes, qui sont le cunnilingus et, ou cunnilinctus plus précisément, si on veut l'être. Maître Capello. Et la fellation. On aura encore plein de choses à découvrir, plein de pratiques qu'on vous... On vous a abordé voilà, rapidement quelques petits thèmes qu'on aimerait aborder dans nos prochaines émissions, qu'on souhaite que vous nous écouterez encore. Alors par contre, petit challenge pour dans un mois, on brouille les cartes. Ça ne sera pas le premier lundi du mois, n'est-ce pas? Et malheureusement, je suis en déplacement. Mon déplacement professionnel, oui, j'ai aussi une profession. Autre que de parler de sexualité. Voilà, sexologue en herbe amateur. Voilà, donc ça sera le lundi 9 octobre. Donc on va faire jouer un peu l'attente, le fantasme d'ici le 9 pour que vous nous reveniez encore plus motivés. On va quand même rentrer dans d'autres détails encore un peu. On va parler de la culture porno. Oui. Et effectivement, on a commencé là par le cuni et la fellation, qui est une pratique dans le porno. Maintenant, il y a des choses dans la pornographie, dans les pratiques qu'on peut voir à l'écran. Et donc, on va essayer de balayer tout ça et puis de s'attarder sur quelques points particuliers dans la pratique, notamment la sodomie et puis l'éjaculation faciale, par exemple, qui est un des classiques dans les rituels de... Et puis aussi, c'est vrai que c'est une chose aussi qu'on avait envie de reprendre un petit peu, quand même l'évolution de certains pornos, voir qu'elle correspond ou pas à l'évolution de nos mentalités. Et donc ça, on vous donne rendez-vous donc le lundi 9 octobre, ça sera de 22h15, allez 22h10 si on est un petit peu en avance, jusqu'à 23h30, et puis vous voyez, il est 23h37, on dépasse un petit peu pour votre plus grand plaisir, et puis j'espère. Le nôtre aussi. On vous dit, eh bien... Dans un mois. Et donc je vous laisse avec Les Nuits d'une Demoiselle de Colette Renard. Allez, un petit peu de fraîcheur pour finir cette émission. Bonne nuit à tous, à bientôt. À très bientôt. Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile étincelle, quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le Mont-Velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais savrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. lèvres, le jour, je baise, tout simplement.